Une qui n'est plus, par Maxime Gorki. C'était, frère, une gentille petite poupée. Chaque fois que ces mots me reviennent à la mémoire, je vois rire dans le passé deux pères dieux à demi aveuglés par l'âge, avec une expression d'amour, de compassion tranquille et sincère. J'entends deux voix chevrotantes de vieillards, affirmant toutes deux qu'elle était une gentille petite poupée. À ce souvenir, mon âme devient heureuse et légère. C'est l'un des plus beaux et des plus rafraîchissants qui me soit resté de mes nombreuses années de vagabondage sur les voies tortueuses de ma patrie. Je venais des steppes, par-delà le Don, et me rendais à Voroniej lorsque je rencontrai les deux vieux pèlerins. Ils étaient mariés et pouvaient bien compter 150 ans entre les deux. Ils marchaient d'une façon si lente et si gauche, ils traînaient si lourdement leurs chaussures de tille dans la poussière chaude de la route et avaient sur leurs vêtements, aussi bien que sur leur visage, quelque chose de si particulier qu'on avait aussitôt l'impression qu'il venait de très loin. « Nous arrivons du gouvernement de Tobolsk avec l'aide de Dieu, » me dit le vieillard, confirmant ma supposition. Et la vieille me regarda de ses bons yeux, qui avaient été une fois bleus. Elle sourit amicalement et ajouta, en soupirant, « Nous sommes du petit village de Lissaya, de la fabrique Nikolsk. Alors vous devez être fatigué de votre pèlerinage. »« Fatigué ? Pas trop, cela va encore. On se traîne tout doucement avec l'aide de Dieu. » « Avez-vous fait un vœu ou bien est-ce le zèle religieux qui vous pousse sur vos vieux jours ?»« Nous avons fait un vœu, frère, une promesse au sein de Dieu, à Kiev, d'aller en pèlerinage à Solovetsk. »« Oui, » continua le vieillard. « Allons, mère, reposons-nous un peu, » ajouta-t-il en se tournant vers sa compagne. « Si tu veux, » acquiesça-t-elle. Et nous nous assîmes tous les trois à l'ombre d'un vieux saule, au bord de la route. Il faisait chaud, le ciel était sans nuages. La grande route se perdait devant et derrière nous, dans le lointain voilé par des vapeurs lourdes. Alentour, tout était triste et solitaire. Des deux côtés du chemin s'étendaient des champs de seigle, immobiles et desséchés. « Le seigle vient mal, » fit le vieux, en me tendant quelques épis qu'il venait d'arracher. « Ils ont complètement épuisé le sol. » Nous parlâmes d'agriculture et de l'assujettissement dans lequel le paysan se trouvait relativement à la terre. La vieille écoutait en soupirant, et jetait de temps à autre un mot sensé dans la conversation. « Voilà qui fera l'affaire de notre petite, si elle vivait encore, » fit-elle soudain, en jetant un coup d'œil sur les maigres champs de seigle. « C'est ici qu'elle aurait su enseigner. »« Oui, elle aurait bien trouvé moyen de tirer d'embarras les paysans de ce pays, » dit le vieux avec un hochement de tête. Puis, tous deux se turent. « De qui parlez-vous » demandai-je. Le vieillard dit avec bonté, « D'une qui n'est plus. » Elle demeurait chez nous, au village, dans notre maisonnette. Elle était de noble naissance, ajouta la vieille. Alors, ils se mirent à raconter, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, en me fixant tous deux obstinément, lâchant leurs phrases à tour de rôle. C'était une petite, une gentille petite poupée. Elle avait été exilée dans notre contrée, les autorités l'ont amenée. Elle voulait, paraît-il, le bien pour tout le monde, pour les pauvres. Ce n'est pas permis. Et on l'a exilée, la douce enfant. Lorsqu'elle entra chez nous, elle était toute rougie par la gelée et tremblait de froid. Elle était toute petite, comme une poupée. Nous l'avons installée bien vite près du poêle. Et notre poêle est grand et très chaud. Puis, nous lui avons donné à manger. Et elle a ri. Et ses petits yeux étaient aussi noirs que ceux d'une souris. Et lorsqu'elle se fut reposée, elle se mit à pleurer. « Grand merci, brave Jean, » dit-elle. Cependant, elle se mit aussitôt à travailler, dit le vieillard, en riant très fort et en clignotant de ravissement. La voilà qui roule dans la chambre comme une pelote et qui met tout sens dessus-dessous. Le bac est à laver, dit-elle, il faut le sortir. Et elle le traîne elle-même de ses petits bras dans la cour. Et les cochons de lait durent aussi quitter la chambre. Elle les prit, les embrassa sur le museau et les mit dehors. Oh oh ! Tous deux rient à gorge déployée et pouvaient à peine reprendre haleine. La semaine n'était pas encore passée qu'elle avait mis tout à l'envers, ce qu'elle nous a fait transpirer. Et elle-même riait, tapageait et trépignait de ses petits pieds. Jusqu'à ce que, tout à coup, elle devint sombre et eut peur. Elle voulait à toute force mourir. Elle pleurait à fondre le cœur, sans cesse. Nous nous inquiétons. Nous lui demandons, « Qu'as-tu donc ? Qu'as-tu ? » C'était à n'y rien comprendre. Et finalement, nous sanglotons nous-mêmes avec elle sans savoir pourquoi. Nous la caressons et pleurons encore tous trois. Elle était comme notre propre fille. Nous l'aimions toutes autant que nos enfants, dit le vieillard. Nous vivions seuls dans notre chaumière. Nous avons un fils chez les soldats, l'autre travaille aux mines d'or, ajouta la vieille. Elle pouvait avoir 18 ans, pas plus. Elle avait l'air d'en avoir 12 seulement. « Allons donc, que dis-tu là, mère ? Elle était très robuste. Si elle était petite, elle n'y pouvait rien. »« Je dis ça pour la blâmer, pas le moins du monde, » répliqua la vieille avec bonté. Puis ils se turent et restèrent plongés dans leurs souvenirs. « Et alors, qu'arriva-t-il ? » demandai-je au bout d'un moment. « Ce qui arriva ? Rien, frère, » fit le vieillard avec un soupir. « Elle n'est plus. La fièvre chaude l'a emportée. » De petites larmes coulèrent sur ses joues ridées. « Oui, frère, elle est morte. » Elle était demeurée chez nous pendant 2 ans seulement. Tout le village, non, toute la contrée la connaissait. Elle savait lire et écrire, et elle apprit à nos gens. Elle allait aussi aux réunions communales et y parlait. Ah, comme elle criait, parfois. C'était une jeune fille trop intelligente, et mieux que cela, une vraie âme de jeune fille. Une âme d'ange. Pour tout, elle avait du cœur, tout la touchait, et comme elle se connaissait en agriculture, elle savait tout. D'où sais-tu donc tout cela, petite âme ? Lui demandions-nous. « Mais c'est dans les livres, » disait-elle. « Elle était si petite, petite, et pourtant c'était pour nous une maîtresse, une conseillère. Elle soignait aussi les malades. Le jour, parfois la nuit, elle allait les voir, leur donner des remèdes, leur parlait si doucement, avec tant de bonté. Et voilà, tout à coup qu'elle tombe malade, qu'elle gît sans connaissance et délire. Et pendant que nous allons chercher le prêtre, elle est morte, la bonne, la sainte. » À ces mots, de nouvelles larmes coulèrent sur les joues de la vieille, et j'éprouvai alors un étrange sentiment de bien-être, comme si elle eût pleuré sur moi. Tout le village vint devant notre maisonnette. « Est-il possible qu'elle ne soit plus ?» criaient les gens. « Ah, la pauvrette, la pauvrette !» tous l'aimaient tant. C'était une enfant si douce. La commune entière suivit son cercueil. 15 jours après, c'était justement pendant les jours gras, nous décidâmes d'entreprendre un pèlerinage afin de prier pour elle. Les voisins aussi se mirent à nous convaincre. « Allez donc, » disait-il, « vous n'avez rien à faire, vous êtes de vieilles gens, et cela vous sera compté au ciel. Et alors nous sommes partis. » « Et vous avez fait la route à pied ?»« Non, pas entièrement, frère. Nous sommes pourtant trop vieux pour cela. » Quand quelqu'un nous l'offrait, nous allions en charrette, puis de nouveau, lentement, à pied, aussi bien que cela pouvait aller. « Ah, si nous avions ces petites jambes à elle, ce serait une autre affaire. » Et de nouveau, ils se remirent à parler de celle qui n'était plus, de leur petite, gentille petite poupée, qui était morte de la fièvre chaude. Il y avait bien 2 heures que nous étions là, assis à bavarder, quand un petit Russien nous rattrapa avec sa charrette. Il répondit à notre salut, nous toisa pendant un instant, et cria aux 2 vieillards. « Montez donc, les vieux, je vous mènerai jusqu'au prochain village. » Ils prirent place à ses côtés et disparurent derrière un nuage de poussière. Je me levai et les suivis lentement. Longtemps encore, je pensai à ce vieux couple, qui avait franchi des milliers de verstes afin de prier pour une jeune fille qui était passée par hasard dans leur vie et avait éveillé dans leur cœur le sentiment de l'amour. Ainsi s'achève « Une qui n'est plus » par Maxime Gorki.